parler. Je reviens de loin, j'ai beaucoup voyagé. J'ai pour ami une guitare et dans le cœur une vieille histoire. Je suis un romantique. Je vis pour ma musique. Je n'ai que des chansons à t'offrir et un peu de musique. N'attendez plus, ça fait longtemps, les années ont passé, les yeux cernés, trop fatigués d'avoir aimé sans être aimé. Je de musique.